bonsoir. Ce qu'on écoute là, c'est Hiromi Uehara, une pianiste de jazz japonaise. J'avais écrit tout un texte super long sur la vie, le sens de la vie. Puis finalement, en le relisant là, à la station, à haute voix, je me suis dit « Waouh, ça avait l'air vachement intelligent quand je l'ai lu tout à l'heure en partant. J'aurais dû me méfier. » En fait, c'était juste chiant. J'adore Hiromi-san. Et là, ce qu'on entend, c'est Michel Petrucciani. C'est beau, c'est beau. Michel et Hiromi, deux pianistes de jazz virtuoses, les meilleurs de leur génération. L'un tout en sensibilité et en délicatesse, avec des longs doigts, des mains araignées. Un homme né dans un corps difforme, et pourtant bourré de talent. Même si je ne crois pas au talent. Le talent n'existe pas. Le travail seul existe. La répétition. On s'accroche. On se laisse guider par le plaisir. On finit par devenir un virtuose. Tout le monde peut le faire. Si on vivait dans un monde qui n'était pas miné par le capitalisme, un monde où 1% utilise 99% du temps des 99 restants, ces 99 pourraient devenir des virtuoses aussi, des artistes complets, des êtres humains autonomes, capables de création sans fin. C'est beau? faut que j'arrête Michel parce que je pourrais plus parler sinon. Ce morceau me tue à chaque fois. Et l'émotion me serre la gorge. J'avais plein de trucs à vous dire sur Hiromi San et Michel Petrucciani, et puis finalement, non. La musique suffit. Bonsoir et bienvenue, Audionautes. Vagabond des fréquences modulées, arpenteuse des émotions sonores, aventurière de l'espace cosmique intérieur. Je suis le narrateur et nous allons passer ensemble les 60 prochaines minutes. Vous écoutez la H-32e heure d'une émission qui s'appelle Tokyo Mental et diffusée sur Radio Pulsar, une radio libre. Une radio libre qui émet sur 95.9 à Poitiers et ses grands alentours. Vous pouvez aussi nous écouter sur le streaming, sur le site web radio-pulsar.org. Nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers. Tokyo Mental. Thank you. 方の街灯点々と言うほどともすころ自分の時空と感覚一日分リセットする散策まだ明るいけどいっぱい始めてる人間違いない温度や湿度ちょうどよくて季節の変わり目っぽくてイヤホンの音はマジとシンクロビートが入ってきて青信号気持ちいい風とゆっくり抜ける商店街進み続ける近道に遠回りどっちでも世界味わい案外外れになってない地に足グーブ刻んでいつも通り通り横切ってはいはいはいはいその先のもっともっとその先へさらにその先のもっともっとその先へ足を出して一歩一歩その先へ行って戻らないと心決めたこの街で路地の奥の方から顔見知り会えるかな毎度楽しみいかな挨拶ひとしっきりからカリカリひと握り中大会は夕飯の香り子供たちはブカカカカカカ配達の人走り回ってる電柱からガラス見守ってる脱力させるふっと息抜き感動を上げる今日も今日が乗って降ってくる忘れないうちにオレンジに染まる小一時間少し無になって少し時間時山に日は落ちてが流れ一旦朝までおっさんとお別れその先のもっともっとその先へさらにその先のもっともっとその先へ足を出して一歩一歩その先へ戻らないと心決めたこの街で先のもっともっとその先へ足を出して一歩一歩その先へ行って戻らないと心決めたこの街で 短い言葉で心を表せ街道用紙の空欄たち一日筋道立てては壊してやり直してバカりの僕らだ 幅広いのがまた夜になった遠慮もなく星明かりと思った僕らも映し出して純粋鏡合わせどうかなどうかなどうかな ちゃんと笑えてるかな 夢に Yeah.

東京メンタル ラジオブルーサウンド。 Documental, c'est fini dans 5 minutes. Comme d'habitude, c'est passé beaucoup trop vite, même pour moi. On va finir avec un morceau très très calme. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, à 21h. A plus. じゃない。 緒じゃない。もう一緒じゃない。